Section 54 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 12, 5e partie. Les Habsbourg du XVe siècle. Par Georges Blondel. Albert II d'Autriche. À la mort de Sigismond, Frédéric Ier de Brandebourg essaya de revendiquer la couronne impériale pour lui-même d'abord, puis pour un de ses fils. Mais les rapides progrès de la maison de Hohenzollern lui avaient déjà suscité des ennemis, et la vigueur avec laquelle Frédéric s'était comporté dans son électorat inquiétait les autres électeurs. Ils lui préférèrent le gendre de Sigismond, Albert d'Autriche, qui leur paraissait, au surplus, trop occupé par l'administration de la Bohême et de la Hongrie pour pouvoir se mêler beaucoup des affaires allemandes. 18 mars 1438. Si court qu'ait été le règne de l'empereur Albert II, Albert V comme duc d'Autriche, on a pu dire de lui qu'il avait été le second fondateur de la fortune de sa maison, car, depuis cette époque, la couronne impériale n'est guère sortie de la famille de Habsbourg. Bon, loyal, intelligent et brave, Albert paraissait comprendre les devoirs qui s'imposaient à lui. Mettre fin au schisme, rétablir la paix, accroître enfin le prestige si affaibli de l'Empire. Mais il ne régna pas même 2 ans et fut emporté, le 27 novembre 1439, par la peste qui ravageait la Hongrie. Frédéric III, son caractère, ses premiers revers. Les Hohenzollern tentèrent de nouveau d'obtenir la couronne. Le corps électoral leur préféra encore une fois un prince faible et moins capable certainement qu'ils ne l'eussent été de faire valoir les droits de l'Empire. Ils élurent Frédéric de Styrie, descendant de la branche cadette des Habsbourg, est connu par son indolence et sa pusillanimité. Frédéric III, qui hésita plus de 2 mois à accepter la dignité qu'on lui offrait, a été jugé sévèrement par les historiens. Bien qu'une critique mieux informée ait tenté depuis quelques années de le réhabiliter un peu, il est impossible de voir en lui autre chose qu'un prince médiocre, instruit sans doute, pieux, honnête, économe, mais incapable de longs calculs et ayant surtout horreur de l'action. Son règne de 50 ans fut également fatal au pouvoir de l'empereur et au prestige extérieur de l'Empire. Les princes étendirent chaque jour leur domination au grand détriment du pays, et Frédéric ne tenta pas une fois de saisir énergiquement le pouvoir. Il réfléchissait toujours et restait toujours indécis. Ce fut un empereur inutile, dit la chronique de Spire, et la nation, pendant ce long règne, oublia presque qu'elle avait un roi. On a vu son rôle dans les troubles suscités par le Concile de Bâle. Réforme de l'Église ou réorganisation politique de l'Allemagne, tout cela laissait au fond Frédéric indifférent. Seuls les grands souvenirs du Saint-Empire romain enflammèrent un jour son imagination. Il est le dernier empereur qui soit allé se faire couronner à Rome, 19 mars 1452. Mais ce couronnement ne fut qu'une vaine cérémonie qui n'accrut aucunement sa puissance. Bien que les intérêts de sa famille l'emportassent de beaucoup dans son esprit sur l'intérêt de l'Empire, il ne parvint même pas à rétablir l'unité des possessions autrichiennes proprement dites et à faire reconnaître son autorité dans les provinces qui dépendaient de la branche léopoldine. La paix publique qu'il fit promulguer à la Diète de Ratisbonne au mois d'avril 1454 ne fut pas mieux observée que les précédentes. De toute part, d'ailleurs, Frédéric n'eut que des déboires. Il avait voulu reconquérir les territoires que la maison de Habsbourg avait perdus en Suisse et demander secours au roi de France Charles VII. Il ne réussit qu'à faire ravager la Souabe et l'Alsace par les écorcheurs, amenés par le dauphin Louis. 1444. Une autre guerre avait éclaté en Franconie. Le prince le plus puissant de cette contrée, Albert d'Achille, fils de Frédéric Ier de Brandebourg, qui, pour arrondir ses domaines, voulait à tout prix s'emparer de Nuremberg, avait engagé une lutte terrible contre les villes confédérées. Ici encore, Frédéric fut impuissant à rétablir la paix. 1448. Cette guerre, qui fut désastreuse, atteste le degré de puissance auquel les villes étaient alors parvenues. 9 batailles furent livrées. La principale fut celle du 11 mars 1450. Aucune des deux puissances, ni celle des princes, ni celle des villes, ne pouvait maintenant faire la loi à l'autre. Faiblesse à l'extérieur. En même temps que l'impuissance de l'empereur était plus grande au-dedans, le prestige de l'Allemagne à l'extérieur s'affaiblissait de plus en plus. Le Schleswig-Holstein, bien que placé sous la tutelle de l'Empire, tombait au pouvoir du roi de Danemark, et l'ordre teutonique devenait vassal du souverain polonais. Bataille de Tannenberg, 1410, et paix de Thorn, 1466. Frédéric III ne fit absolument rien pour le secourir. Ce fut l'électeur de Brandebourg, Frédéric d'Andefer, qui seul opposa au progrès des Slaves une barrière infranchissable. L'impuissance de Frédéric III n'est pas moins grande en Bohême et en Hongrie. La première passe à Georges Podiebrad, puis à Władysław de Pologne, la seconde à la famille des Uniades. L'Allemagne semblait reculer aussi du côté de l'Ouest. Nous avons vu les empiétements de Charles VII et avec quelle indécision Frédéric III se comporta entre les deux puissants princes qui se disputaient la France, Louis XI et Charles le Téméraire. Toutefois, si Frédéric resta spectateur indifférent de cette grande lutte, il réussit du moins en un point qui devait être par la suite d'une grande importance. Il fit reconnaître son fils Maximilien comme son successeur et assura ainsi aux Habsbourg la majeure partie du riche héritage de Marie de Bourgogne. C'est ainsi que ce triste empereur fit plus qu'aucun de ses prédécesseurs pour la fortune de sa maison. À partir de cette époque, l'hérédité exista en fait dans l'Empire, sans être encore reconnue en droit, et les choses se passèrent en Allemagne comme elles s'étaient passées en France sous les premiers Capétiens. Par une de ces contradictions étranges qui remplissent toute l'histoire du Moyen-Âge, les contemporains continuent à parler de Frédéric III en termes qui paraissent d'autant plus ampoulés que son impuissance est plus complète. Le pouvoir de l'empereur, dit Eunas Silvius, est éternel. Il ne peut subir ni diminution ni dommage. La chrétienté tout entière lui est soumise en droit, et les souverains de l'Europe sont prévenus solennellement qu'en lui résistant, il résiste à la puissance que Dieu lui-même a instituée. Il n'y a pas de loi qui lie l'empereur, et nul ne saurait avoir la prétention de scruter la conduite de celui qui n'est responsable qu'envers Dieu seul. État social de l'Allemagne au XVe siècle. Il ne faudrait pas croire que la situation sociale de l'Allemagne fut aussi mauvaise que son abaissement politique semble le faire supposer. Les États provinciaux, Landstände, dont l'organisation se rattachait étroitement aux essais d'association tentés par les villes, la noblesse ou le clergé, contribuaient utilement à défendre les droits communs contre les princes souverains et garantissaient au peuple des libertés étendues. Ils réussirent souvent à empêcher les princes de s'ingérer dans l'administration de la justice, de percevoir des impôts et d'étendre, sous prétexte de haute police, leur domination. Froissart pouvait écrire à bon droit « Les princes, qui ont emmené l'empereur sous leur dépendance et n'ont point voulu lui reconnaître de prérogatives, dépendent à leur tour des États. » L'existence des Landstände fut donc une garantie précieuse donnée aux Allemands pour la défense de leur liberté. « Le peuple allemand, écrit encore Froissart, maintient son droit avec énergie. Il regarde les anciennes traditions et le système judiciaire d'autrefois comme un bien sacré légué par ses ancêtres. Il convient aussi de remarquer que les différentes classes sociales s'étaient développées en Allemagne assez librement parce que le droit germanique a toujours eu, beaucoup plus que le droit romain, le respect de la liberté individuelle. En dépit des progrès de la féodalité, il y avait, dans presque toutes les contrées de l'Allemagne, des terres appartenant en propre à des paysans libres. Et il y avait aussi, malgré les tentatives d'empiètement des seigneurs fonciers, des communautés rurales possédant des biens étendus et s'administrant elles-mêmes. Là même où la liberté complète n'existait plus, la situation des classes rurales était moins mauvaise qu'on ne serait tenté de le croire tout d'abord. En effet, la plus grande partie du sol se composait de terres appartenant à des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques, mais se divisant en un nombre considérable de tenures, cultivées à des titres divers par des tenanciers libres ou demi-libres. Les uns, assez semblables à nos fermiers, payaient aux seigneurs des redevances foncières, généralement modiques, en échange desquelles les terres qu'ils cultivaient devenaient entre leurs mains des possessions presque aussi indépendantes que s'ils eussent été propriétaires. Les autres étaient liés à la glèbe, et ne pouvaient quitter sans le consentement du seigneur la terre qu'ils cultivaient, ni la remettre à un étranger. Mais la location du sol sur la base d'une possession héréditaire indéfinie avait favorisé la bonne exploitation. Ces tenanciers portaient à l'amélioration du sol presque le même intérêt que s'ils eussent été propriétaires, et s'ils n'avaient guère la perspective de changer leur position, ils savaient du moins que l'avenir de leurs enfants était assuré pour toujours. Les Weichtömer, coutumiers, prouvent que leur existence était moins misérable qu'on ne croit communément, car, s'ils laissent deviner souvent des troubles et des violences, ils témoignent aussi d'un esprit de sagesse et d'un bon sens traditionnel auquel on doit rendre hommage. Qu'ils fussent libres ou qu'ils dépendissent d'un seigneur, les paysans administraient eux-mêmes les affaires d'intérêt local, prenaient part à l'élection des autorités du village et entraient dans la composition des tribunaux locaux. Certains usages qui nous choquent aujourd'hui, et notamment certaines prestations bizarres, plus honorifiques qu'utiles pour le seigneur, n'avaient pas un caractère aussi avilissant qu'on se plaît à le dire. Le paysan aimait mieux s'astreindre à ces pratiques que de débourser en argent la moindre somme. L'essor des villes avait eu aussi un contre-coup salutaire sur les classes rurales. Les villes, en effet, n'étaient pas exclusivement des centres commerciaux ou industriels. L'agriculture y tenait une grande place. Toutes avaient des biens communaux et s'efforçaient d'acquérir de nouvelles terres, provenant le plus souvent de familles nobles tombées dans la misère. La situation favorable des cultivateurs urbains réagit sur la condition des campagnards et amena un adoucissement de leur sort. Les changements survenus dans l'art de la guerre eurent malheureusement leur contre-coup. L'usage des armes nouvelles, en rendant insuffisants les anciens moyens de défense, obligea les seigneurs à fortifier leurs demeures et à augmenter les redevances. Mais ce fut surtout l'introduction du droit romain en Allemagne qui eut de graves inconvénients. On se laissa trop facilement éblouir par un droit qui ne connaissait pas toutes les nuances de la demi-liberté et ne s'harmonisait guère avec l'organisation judiciaire allemande, d'après laquelle chacun devait être jugé selon son propre droit. Les légistes qui s'enthousiasmèrent, en Allemagne comme en France, pour cette législation, crurent faire merveille en déniant au peuple le pouvoir de rendre la justice. Ignorant les vieilles coutumes germaniques, ils assimilèrent les demi-libres, comme les serfs, aux esclaves du droit romain. Incapables de comprendre les transformations historiques qui avaient amené tant de diversité dans la condition des personnes, ils s'efforcèrent de simplifier une situation qui leur parut trop compliquée et en vinrent à proclamer que l'état de servitude était la condition primitive des populations rurales en Germanie. La vie populaire dans les villes, progrès de la civilisation. Certains traits caractéristiques de la race germanique apparaissent mieux encore dans la vie populaire, telle qu'elle se manifeste à l'intérieur des villes. En essayant d'entraver le développement de la puissance des princes, les villes réussirent d'abord à empêcher que le morcellement de l'empire en principautés et domaines particuliers n'amenât sa dissolution complète. Puis elles entretinrent, au sein de la diversité féodale, un certain sentiment de l'unité. Fondé essentiellement sur un système de devoirs et de charges réciproques, le droit féodal est, en effet, naturellement ennemi de l'unité. D'après les constitutions urbaines, au contraire, le droit est l'expression de la libre conviction des membres de la communauté, et toute l'administration municipale repose sur la libre obéissance des citoyens à des chefs élus par eux. Aussi, tandis que la confusion politique grandit, beaucoup de villes offrent l'idéal d'un bon gouvernement. Machiavel a dit avec raison que les villes furent alors le nerf de l'Allemagne. Leur développement fut surtout remarquable dans les pays où, depuis la dissolution des anciens duchés, aucune famille princière n'avait conquis le premier rang, en Souabe et dans les pays rhénans. Mais ce n'est pas seulement au point de vue économique ou juridique que l'essor des villes est remarquable. Un profond besoin de culture intellectuelle s'y fait sentir, et la pensée allemande y prend son élan dans toutes les directions que peut suivre l'esprit humain. De nouvelles écoles sont créées, de nouvelles universités se fondent. Greifswald, 1450, Bâle et Fribourg, 1460, Ingolstadt, 1472, Trèves, 1473, Tübingen et Mayence, 1477. Les universités plus anciennes de Prague, de Vienne, de Heidelberg, de Cologne, d'Erfurt, de Leipzig et de Rostock sont en plein épanouissement. Cologne devient la Rome allemande et compte près de 2000 professeurs ou étudiants. Une grande partie des savants qui devaient contribuer bientôt à propager l'humanisme en Allemagne s'y formaient alors. L'art aussi commence à se développer. D'admirables églises ont été construites au XVe siècle. Les édifices civils, châteaux, hôtels de ville, portes fortifiées, maisons bourgeoises même, attestent un sens artistique remarquable. Le sculpteur Jean de Calcaire, le fondeur Pierre Fischer de Nuremberg, les tailleurs de pierre Adam Kraft et Sébastien Lindenast, le vieux maître, connu sous le nom de maître du Weingarten, Georges Sirling, l'auteur des incomparables stalles du cœur de la cathédrale d'Ulm, sont de véritables artistes. Dans la peinture, Étienne Löschner eut toute une armée de disciples, comme l'auteur de la Passion de Liversberg et celui de la Glorification de Marie. On sait aujourd'hui que Hans Merling était un Allemand. L'atelier de Martin Schongauer, à Colmar, fut le véritable centre des artistes de cette époque. L'imprimerie. C'est en Allemagne aussi qu'eut lieu alors une invention dont le rôle devait être considérable dans l'histoire générale de la civilisation, celle de l'imprimerie, cette institutrice de tous les arts qui répondit si bien au désir d'instruction dont témoignait la création des universités. On a vraiment cru voir, soit dans la xylographie, soit dans certaines pratiques en usage au Moyen-Âge, le principe de la typographie. Ces procédés grossiers n'ont qu'une lointaine analogie avec l'impression par des caractères mobiles. Car c'est là l'idée fondamentale sans laquelle l'imprimerie eût été sans doute d'un usage insignifiant. L'obscurité qui entoure les origines de cet art nouveau est due au mystère dont furent enveloppées les premières recherches. Aussi, 20 villes se sont-elles disputées l'honneur d'avoir vu naître l'imprimerie, et la discorde n'a guère été moindre en ce qui concerne le nom de l'inventeur. Il paraît établi aujourd'hui que le mérite de la découverte, qui remonte à la première moitié du XVe siècle, peut-être jusqu'à l'année 1439, doit être attribué à Jean Genschfelsch de Mayence, plus connu sous le nom de Gutenberg, qui était celui de sa mère. L'imprimerie était déjà connue à Strasbourg et à Bamberg vers 1460, mais c'est en 1462, après la prise de Mayence par l'archevêque Adolphe de Nassau, que le secret fut divulgué. Les contemporains ne tardèrent pas à comprendre l'importance de cette invention, qu'ils appellent Ars Sublissima, Ars Sancta, Ars Divina. On prétend que dès 1462, Louis XI envoya à Mayence Nicolas Johnson, directeur de la monnaie de Tours, pour étudier secrètement la chose. Les ateliers d'imprimerie se multiplièrent à tel point qu'à la fin du XVe siècle, il y en avait déjà en Allemagne plus de 1000. La seule ville de Nuremberg en comptait 25. On en établit non seulement dans toutes les grandes villes, mais dans la plupart des couvents, quelquefois même dans les châteaux ou chez de riches bourgeois. Et on ne vit pas seulement dans l'imprimerie une source d'avantages matériels ou de profits pécuniaires. On la considéra comme un instrument puissant qui devait servir à la fois les intérêts de l'Église et de la science. La plupart des livres imprimés en Allemagne dans la seconde moitié du XVe siècle sont destinés à satisfaire les besoins intellectuels du clergé. On trouve, parmi les premiers imprimeurs, des hommes qui s'intitulent « prêtres de Dieu ». Et les évêques accordent des indulgences à ceux qui vendent et répandent des livres. Le commerce de la librairie devint une continuation et une extension de celui des manuscrits. Et, favorisé par la grande foire de Francfort, qui réunissait les libraires de toutes les nations, il se développa avec une extrême rapidité. C'est d'Allemagne que le nouveau procédé se répandit dans le reste de l'Europe, en Italie, en France, en Espagne. Les premiers imprimeurs de ces pays ont été des Allemands, ce qui fera dire à Wimpfeling en 1503 « Nous autres Allemands, nous dominons le marché intellectuel de l'Europe civilisée. » Conclusion. Il y a donc en Allemagne, au XVe siècle, toute une vie nouvelle dont l'éclat contraste avec l'abaissement politique du pays. Mais s'il est vrai de dire que le particularisme qui triomphait alors contribua à développer dans un grand nombre de petits centres une culture qu'on ne trouve pas dans les pays organisés sur les principes de la centralisation, il faut ajouter qu'au point de vue constitutionnel, une grande nation a besoin, pour résister aux secousses du dedans comme aux attaques du dehors, d'une autorité respectée de tous, qui lui donne la cohésion nécessaire au jour du danger. Seule une royauté solidement assise eût pu être le lien des peuples qui composaient alors l'Allemagne. Seule, elle eût pu donner au pays cette force de l'unité nationale qui permit si vite à la France d'occuper une place prépondérante parmi les nations. Après avoir dit que les princes sont parfois tombés sous la domination des États, Froissart ajoute « Il n'en est plus ainsi dans bien des principautés. Les princes ne cherchent qu'à mettre obstacle à l'indépendance de la noblesse et des villes et rêvent leur entière destruction. Ils mettent à profit les discussions partout où elles se produisent et jusque dans les assemblées générales nourrissent avec soin les dissentiments afin d'en profiter pour leur avantage personnel et l'accroissement de leur pouvoir. Les docteurs en droit et les légistes romains, qu'ils installent dans les universités et qu'ils fixent à leur cours, les secondent d'ailleurs merveilleusement dans ce dessein. On les regarde comme une plaie encore plus funeste que celle des chevaliers brigands, qui, du moins, ne dépouillent les gens que de leur bourse. Plan de réforme. Dès le commencement du XVe siècle, les récriminations se multiplient. L'un attaque les princes à cause de leur trafic avec les juifs, l'autre s'élève contre les brigandages de la noblesse. Un autre prétend que l'orgueil des bourgeois devient intolérable. Tous sont d'accord pour reconnaître, ou du moins nous laisser entrevoir, que les mœurs sont grossières, que la débauche et l'immoralité font des progrès inquiétants, que le clergé surtout est profondément corrompu. Aussi, les plans de réforme surgissent-ils de toutes parts. Vers le milieu du XVe siècle, le cardinal Nicolas des Cusins, Cuès, véritable apôtre de science et de piété, commence à parcourir l'Allemagne, prêchant la nécessité d'une réforme. Divers projets sont élaborés. Un important mémoire de 3 électeurs ecclésiastiques est présenté à Frédéric III au Reichstag de 1455. On y demande en particulier une réorganisation radicale des tribunaux d'Empire qui put mettre fin aux guerres privées. Tout ce qu'on obtint, ce fut la division des États en 3 collèges, composés l'un des 7 princes électeurs, l'autre des princes souverains, le troisième des députés des villes. En dépit de cette amélioration, il faut bien reconnaître qu'à la fin du règne de Frédéric III, une confusion déplorable régnait dans l'administration de la justice et que, pendant ce long règne, le pouvoir public ne cessa de s'affaiblir. Or, le droit le mieux élaboré et les lois les plus excellentes, comme disait Nicolas de Cusa, ne peuvent être de quelque utilité si l'empereur n'est pas mis en possession d'un pouvoir exécutif vraiment fort, lui permettant de punir les rebelles, de faire respecter la loi et d'assurer l'exécution des jugements rendus. Ce pouvoir exécutif, un mal profond empêchait Frédéric III de le constituer. Il eût fallu pouvoir mettre la force au service du droit, et il était trop pauvre pour cela. Aussi, le nom de l'empereur n'éveille-t-il plus la sympathie des foules, et on ne voit plus en lui l'homme providentiel chargé d'assurer le règne de la justice et de la paix. À tous les points de vue, le besoin d'une réforme se fait sentir. Fin de la section 54.